Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. Leviticus, the book of Leviticus. Lévitique, le livre des Lévitiques. Leviticus chapter 16. Lévitique chapitre 16. I think this is one of the most beautiful messages. Je pense que celui-ci est un des plus beaux messages. That can never be delivered to the church. Qui peut jamais être délivré à l'église. There is no time to fool around and say, sow a seed, get your word. There's so much work to prepare the church. Il n'y a pas le temps de plaisanter et de dire sème une graine pour avoir quelque chose. Il y a tellement de travail pour préparer l'église. This is very powerful because this is talking about the literal entity, the real entity. C'est très puissant parce que ça parle à propos de la réelle entrée. To enter now. Pour entrer maintenant. And how to enter. Et comment entrer? How the church can be able to enter? Comment l'église peut être capable d'entrer without being found on fault? Sans avoir aucune faute. Listen what he says here. Écoutez ce qu'il dit ici. Leviticus chapter 16 verses 4 and 5. Lévitique chapitre 16, les versets 4 et 5. I'm reading amplified. Je lis dans la version amplifiée. He shall put on the holy linen undergarment. Il se vêtira du vêtement saint de lin. And he shall have the linen breeches upon his body. Et il aura la tunique de lin sur son corps. And be guarded with the linen girdle. Et il se ceindra avec une ceinture de lin. Or sash. And with the linen turban. Et avec le turban de lin. Or mitre. Ou une tiare. And shall he be attired. Et il sera vêtu. Alléluia. Alléluia. And it says, these are the holy garments. Et il dit, c'est le vêtement saint. He shall bathe his body in water, then put them on. Il va laver son corps dans l'eau et ensuite les revêtir. Now, if you go to Leviticus chapter 16 from verse 1. Maintenant, si vous allez dans le livre de Lévitique, chapitre 16, depuis le verset 1. Listen to what he says there. Écoutez ce qu'il dit ici. Inside there, il dit là, you find that Aaron's son, vous trouvez que les fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Again, listen to this. Encore, écoutez ceci. Aaron was called. Aaron était appelé. With his son. Avec ses fils. And when the Lord called Aaron with his sons. Et quand le Seigneur a appelé Aaron et ses fils. Then you find out. Alors vous trouvez. Leviticus 16 verse 1 onwards. Dans Lévitique chapitre 1 et suivant, you find out that the Lord himself killed two of Aaron's sons. Vous trouvez que le Seigneur lui-même a tué lui-même deux des fils d'Aaron, Nadab et Abihu. Why did the Lord kill them? Pourquoi est-ce que le Seigneur les a tués? It is to emphasize. C'était pour mettre de l'importance. The gravity of appearing right. À la gravité qu'il y a à apparaître juste. The gravity of appearing correct. L'importance qu'il y a à apparaître correct. Because he called them all, Ithamar, Eleazar. Parce qu'il les a tous appelés Elzamar, Eleazar. But when Nadab and Abihu, mais quand Nadab et Abihu did not appear right, ne sont pas apparus correctement, the Lord struck them and killed. Le Seigneur les a frappés et les a tués. Died, buried. Morts et enterrés. What is the message here? Quel est le message ici? The message is this. Le message est ceci. To all the nations tuned in, à toutes les nations qui écoutent. This is the message. C'est le message. The Lord is saying, le Seigneur dit. When it comes to appearing there, quand il vient pour apparaître là. It is very, very critical. C'est très, très critique. That you take the instructions of God. Que vous preniez les instructions de Dieu. And appear right. Et apparaître correctement. Because. Parce que. At that place. À cette place. There is also the judgment of the Lord. Il y a aussi le jugement du Seigneur. Ah. Let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer. Why is there the judgment of God there? Pourquoi il y a le jugement de Dieu là. At that place. À cette place. Listen. Écoutez, because at that place. Parce que à cette place, is the ark of the covenant of the Lord. Il y a l'arche de l'alliance du Seigneur. The ark of God. L'arche de Dieu. Why do I say so? Pourquoi est-ce que je dis cela? Because when Aaron would appear, parce que quand Aaron voudrait apparaître, he was supposed never to go without blood of an animal. Il était supposé de ne jamais aller sans le sang d'un animal. He had to go with blood. Il doit aller avec du sang. But you see the description of Aaron's garment, they had to put even small bells on the hem. The hem of his garment, small bells, alternating small bells. Mais vous voyez la description du vêtement d'Aaron. Ils ont à mettre même de petites cloches dans l'ourlet, l'ourlet de son vêtement, des petites cloches en alternance. And such that when he was entering there, you could hear the bells touching each other. À une telle place, quand il était en train d'entrer ici, vous pouviez entendre les cloches tic-tic qui se touchaient l'une l'autre. And when he entered into the Holy of Holies, et quand il entrait dans le Saint des Saints, he always entered with the blood of an animal, with blood. Il entrait toujours avec le sang d'un animal, avec du sang. And he took the blood. Et il a pris le sang. And when he saw the ark of God, quand il a vu l'arche de Dieu, the ark of the covenant of God, l'arche de l'alliance de Dieu, he always poured the blood on the mercy seat. Toujours il verse le sang sur le siège de miséricorde. He sprinkled it for atonement. Il l'asperge pour l'expiation. That's why they call it the atonement cover. C'est pourquoi ils appellent ça le couvercle de l'expiation. The mercy seat, the seat upon which, when he poured blood, God had mercy. Le siège sur lequel, quand il verse le sang, Dieu a miséricorde. Then God now atoned for their sin. Ensuite, Dieu maintenant expie pour leurs péchés. But listen to this. Mais écoutez ceci. Why judgment? Pourquoi le jugement? Why am I telling you to be careful on this matter of preparing? Pourquoi est-ce que je vous dis d'être, de faire attention dans cette matière de préparation? Because when the Lamb of God, parce que quand l'agneau de Dieu, that has no deformity, qui n'a pas de défaut, that has no defect, qui n'a pas de difformité, that is perfect, qui est parfait, that has no fault, qui n'a pas de faute, that has no sin, qui n'a pas de péché, when he appears, quand il apparaît, the King of Glory, le Dieu de gloire, to come and take away your sins, pour venir et enlever vos péchés, he now entered there once for all, il est maintenant entré une fois pour toutes, and not with the blood of an animal, et non pas avec le sang d'un animal, but with the blood of the Son of God, mais avec le sang du Fils de Dieu, and he poured the blood there, et il a versé le sang là, the judgment for our sins, le jugement pour nos péchés, the judgment for our sins, le jugement pour nos péchés, was taken away, était enlevé, the judgment took place there, le jugement a pris place là, he was judged there, il était jugé là, and that's why in Leviticus 16 verse 1, c'est pourquoi dans Lévitique 16, verset 1, he says that if you don't prepare well, si vous ne vous préparez pas bien, lest the judgment touch you, de peur que le jugement vous touche, otherwise the judgment will touch you, sans quoi le jugement va vous toucher. But when you go on further, mais quand vous allez plus loin, you see the description of how Aaron was to behave. Vous voyez la description de comment Aaron doit se comporter. And in verse 23 and 24, et dans les versets 23 et 24, they tell him that even when you come from there now, ils lui disent que même si vous venez de là maintenant, remove that garment is for the Holy of Holies. Il enlève ce vêtement. Ce vêtement est pour le Saint des Saints. I just wanted you to understand the gravity of appearing. J'aimerais juste que vous compreniez l'importance de l'apparence. That if you will not prepare well, que si vous n'êtes pas bien préparé, you will have a different form of appearing. Vous allez avoir une forme différente d'apparence. Remember, everybody has to appear before the judgment seat. Souvenez-vous, tout le monde a à apparaître devant le trône de jugement. Before the white throne of the Lord. Devant le trône blanc du Seigneur. In fact, en fait, Even the raptured church. Même l'église enlevée. You must appear there. Vous devez apparaître là. And give account to everything you ever did. Et rendre compte pour toutes choses que vous avez jamais faites. You ever thought. Que vous avez jamais pensé. You ever schemed in your heart. Manigancé dans votre cœur. Now I'm coming to the most important message of this vision. Maintenant, je viens sur le message le plus important de cette vision. You can even if you are making notes. Vous pouvez même, si vous prenez des notes, you can even now set the message of today and underline it now. Vous pouvez même écrire le titre du message d'aujourd'hui et le souligner. Turn with me, precious people. Tournez avec moi, précieux peuple, to the book of Revelation. Au livre de l'Apocalypse. Let's begin with Revelation 16. Commençons à Apocalypse 16. And then we'll go to 19. Et ensuite, nous allons à 19. Revelation chapter 16. Apocalypse chapitre 16. One verse, verse 15. Un verset, le verset 15. Revelation 16, verse 15. Révélation 16, verset 15. There are some things I need to open up to you here. Il y a quelque chose que j'aimerais vous faire découvrir ici. Regarding appearing. Concernant l'apparition. The time has come for the church to present herself before the Lord. Le temps est venu pour l'église de se présenter elle-même devant le Seigneur. But there are some key things you have to take note of here. Mais il y a des choses clés dont vous devez prendre note ici. Revelation 16:15. Apocalypse 16:15. He says. Il dit. I am reading amplified purposefully. Je lis la version amplifiée intentionnellement. Behold, I am going to come like a thief. Voici, je vais venir comme un voleur. Blessed, happy, to be envied. Béni, envié, heureux. Is he who stays awake, alert. Pour ceux qui sont restés réveillés, alerte. If you were writing down notes, write down the following points. Si vous êtes en train de prendre des notes, prenez les points suivants. He said, behold, I am going to come like a thief. I would write the word thief, number one, thief. Il dit, voici, je vais venir comme un voleur. Je voudrais écrire numéro un, voleur. And the next thing I would have written. Et la chose suivante que j'aimerais avoir écrit. He said, blessed. Il dit, béni. Then I would write blessed or blessedness. Et ensuite, je vais écrire béni ou bénédiction. And amplified says happy. Et la version amplifiée dit heureux. I would write the word happy. J'aimerais écrire le mot heureux. To be envied, he amplified says to be envied also. Être envié. La version amplifiée dit être envié aussi. Is he who stays awake? I would write the word awake also. Celui qui est resté éveillé, je voudrais aussi écrire le mot éveillé. And he amplifies it by saying alert. Il amplifie cela en disant alerte. I would write the word alert. J'aimerais écrire le mot alerte. And who guards his clothes? I would write the word guard. Et qui garde ses vêtements? Je voudrais écrire le mot garde et ensuite habit. Je voudrais écrire le suivant habit. So that he may not be naked, I would write the word naked. Alors il ne sera pas nu. Je voudrais écrire le mot nu. And have the shame of being exposed. I would write the word shame. Et la honte n'est pas exposée. Je voudrais écrire le mot honte. Let me explain to you. Laissez-moi vous expliquer. July 29th. Le 29 juillet. 2009. 2009. He lifted me up. Il m'a élevé. And I saw her. Et je l'ai vue. That was my first time to see the church inside heaven. C'était ma première fois de voir l'église à l'intérieur des cieux. And I said. Et j'ai dit. If you look at the unison. The unison. They were worshiping in unison. In unison. It was awesome. It was beautiful. The most beautiful worship I have ever laid my ears and eyes on. Si vous regardez à l'unison, ils étaient en train d'adorer à l'unison. C'était impressionnant, c'était beau. La plus belle adoration que je n'ai jamais portée à mes oreilles et à mes yeux. Then in the threshold of heaven. Et ensuite, dans le seuil des cieux. Et bien, il shows a very glorious garment. Ensuite, encore, il montre le très glorieux vêtement. You see that I saw the beauty of the worship, the beauty of the garment. Vous voyez que j'ai vu la beauté de l'adoration et la beauté du vêtement. And they were inside heaven. Et ils étaient à l'intérieur des cieux. They had made it. Ils sont entrés. It's as though there was an exam. C'est comme si c'était un examen. And only a few made it. Seulement peu d'entre eux l'ont réussi. And when you look at them, et quand vous regardez à eux, so, wow, I wish I can also be there. Oh, wow, un désir être aussi là. Anyway, when you look at April 4th, qu'importe, quand vous regardez au 1er avril, you also see a glorious garment. Vous voyez aussi un vêtement glorieux. But the Lord says, mais le Seigneur dit that when it comes to his garment, que quand il vient à lui to prepare his garment so you may appear before him, pour préparer son vêtement, comme ça il peut paraître devant lui, there are certain key things that must be underscored, qui doivent être mises en évidence. So now, alors maintenant, listen to this. Écoutez ceci. He says, il dit that when it comes to the garment that the church is supposed to wear, mais quand il s'agit du vêtement que l'Église est supposée vêtir, the garment the church is supposed to prepare, le vêtement que l'Église est supposée préparer, which means there is a process, qui signifie qu'il y a un procédé. Then he now says, ensuite, il dit maintenant, because of that garment, à cause de ce vêtement, and because of the process of preparing, getting ready with, et à cause du procédé de préparation, d'être droit avec ça, now he uses the word thief. Maintenant, il utilise le mot voleur. That because of that, now I must come like a thief. À cause de cela, maintenant, je dois venir comme un voleur. When it comes to the matters of the garment, quand arrive la matière à propos du vêtement, now the Lord is willing to come like a thief. To say, me, I will come like a thief. Maintenant, le Seigneur veut venir comme un voleur pour dire, moi je vais venir comme un voleur. And then, inside that conversation, he defines blessedness. Et ensuite, à l'intérieur de ces conversations, il définit la bénédiction. He says now, based on the garment and preparedness. Il a dit, maintenant, basé sur le vêtement et la préparation. Then he says, blessed. There are some people who will be blessed. Et ensuite il dit, béni. Il y a quelques personnes qui vont être bénies. He said, blessed is he. Il a dit, béni est celui that he who keeps awake, qui demeure éveillé. That is amazing to me. Ça m'étonne. When I look at them worshiping, quand je regarde à eux qui étaient en train d'adorer inside heaven, à l'intérieur du ciel, I realize that that indeed is the blessed church. J'ai réalisé que cela, en vérité, était l'Église bénie. So the Lord has sent me here. Alors le Seigneur m'a envoyé ici to redefine for you blessedness, pour redéfinir pour vous la bénédiction. Based on this garment here. Basé sur ce vêtement ici. Because parce que I know, je sais that even in the book of Daniel, que même dans le livre de Daniel, chapter 12, chapitre 12, and Revelation chapter 19, where we are going, et Apocalypse chapitre 19, où nous allons, Revelation 19, verse 9, Révélation 19, verset 9, you will see that in 19 he is also discussing the matters of the garment. Vous allez voir que en 19, il parle aussi sur la matière du vêtement. And I will now be able to unveil to you, to uncode for you. Et maintenant, je vais être en mesure de dévoiler pour vous, de simplifier pour vous. What is really this garment? What is this garment? What is this in physical terms? Can I crystallize it and now so that I code the garment now? Qu'est-ce réellement ce vêtement? Qu'est-ce ce vêtement? Qu'est-ce que c'est? En termes physiques, puis-je le cristalliser? Et maintenant, dis ceci. J'ai pris le vêtement maintenant. He's talking about the garment, the garment, the garment. Il parle à propos du vêtement, du vêtement, du vêtement. Should I go to shop and cut a cloth? Est-ce que je dois aller dans une boutique et couper un vêtement? But later in Revelation 19, mais plus tard, dans Apocalypse 19, I will now crystallize for you the real tangible, what it is, the exact now. Je veux maintenant cristalliser pour vous le réel tangible. Qu'est-ce que c'est exactement maintenant? But in Revelation 19, verse 9, mais Révélation 19, verset 9, he agrees with what Revelation 16, verse 5 says. Il agrée avec ce que Apocalypse 16, verset 15 dit. And it says, et il dit, that blessed are those who are invited into the wedding supper of the Lamb. Que ceux qui sont invités au festin de noces de l'agneau sont bénis. So you begin to understand why I am here. Alors vous commencez à comprendre pourquoi je suis là. Many times your pastors have told you. Bien souvent, vos pasteurs vous ont dit, and all blessings, all God has blessed you. That is a blessing. You are blessed by God. Oh, bénédiction. Oh, les bénédictions. Dieu vous a béni. C'est une bénédiction. Vous êtes béni par Dieu. Let me pray for you so God can bless you and then lay their hand on you. Laissez-moi prier pour vous, comme ça Dieu pourra vous bénir et ils posent leurs mains sur vous. Maybe you need a home. Là, you need a car. You need land. Peut-être que vous avez besoin d'un foyer, vous avez besoin d'une voiture, vous avez besoin de terrain. And then you say, look, Nani, that pastor there has so many pieces of land. He's blessed by God. He's a blessed man. Alors après vous dites, regarde, cet homme a tellement de pièces de terrain. C'est un homme béni. But today, mais aujourd'hui, the Lord is redefining blessing. Le Seigneur redéfinit la bénédiction. And he's saying, et il dit, listen what the Lord is saying. Écoutez ce que le Seigneur dit. He's saying, il dit, anybody that is blessed by the Lord, chacun qui est béni par le Seigneur, anyone that walks in the blessings of God, chacun qui marche dans la bénédiction de Dieu, the blessings of God, la bénédiction de Dieu must draw you into the kingdom of God, doit vous amener dans le royaume de Dieu. And he says, et il dit, that some of the things you are craving for, que quelques-unes de ces choses que vous désirez ardemment, watch out, veillez, they may not be God's blessings, elles peuvent ne pas être des bénédictions de Dieu. Et spécialement, if there is something that you have, s'il y a quelque chose que vous avez, you have acquired, que vous avez acquise, and then it moves you farther and farther away from God, et ensuite, ça vous amène plus loin et plus loin du Seigneur. I know you like material things. Je sais que vous aimez les choses matérielles. I know Chicago is listening to me also. Je sais que Chicago m'écoute aussi. And New York City, the Big Apple. Et la cité de New York, la grosse pomme. The Big Apple is listening to me also. La grosse pomme m'écoute aussi. You like big cars, big homes, big what, good things. Vous aimez les grosses voitures, les grosses maisons, les grosses choses. But there is a revival here. Mais il y a un réveil ici. There is an awakening here. Il y a un renouveau ici. I bring an awakening. J'ai amené un réveil. This is the awakening. C'est le réveil. That be careful. Que, attention. If there is anything you have that throws you away from God, s'il y a quoi que ce soit dans votre cœur qui vous éloigne de Dieu, then that thing is not the blessing of God. Alors cette chose n'est pas une bénédiction de Dieu. You can get rid of it. Vous pouvez vous en retirer. It reminds me about Israel. Ça me rappelle à propos d'Israël. When I used to live in Israel, quand je vivais en Israël, and the Lord called me from there, alors le Seigneur m'a appelé de là. Look at what I saw. Regardez ce que j'ai vu. When they were going to observe Pesach, quand ils allaient observer Pesach, which is supposed to pass over, the Easter, qui est supposé être le Passover, la Pâque, listen what they do. Écoutez ce qu'ils font. There is always the first midnight. Ils sont toujours la première minuit. Let me tell you what matters. Laissez-moi vous dire ce qu'il importe. The first midnight and the last one. Le premier minuit et le dernier. In those 7 days, in that week. Dans ces 7 jours, dans cette semaine. And they begin to prepare. Et ils commencent à préparer. And I used to see them throwing nice cameras. Et j'ai eu l'habitude de les voir jeter de jolies caméras. Nice sofa set. Un set de sofa joli. Nice clock. De jolies pendules. Nice watches. De jolies montres. Flat screen TVs. Des télévisions. I asked them, why are you throwing good things into the garbage? Je leur ai demandé, pourquoi est-ce que vous jetez de bonnes choses à la poubelle? They said the following. Ils ont dit ce qui suit. However valuable it is. Quelle que soit la valeur, we were given an instruction by Moses. On nous a donné une instruction de Moïse. That when we are going to remember our deliverance from Egypt. Que quand nous allons nous souvenir de notre délivrance d'Égypte, however expensive and valuable and costly, quelle que soit la valeur et le prix, anything that ever touched yeast, toute chose qui a jamais touché de la levure, anything that ever touched yeast, toute chose qui a jamais touché de la levure, it doesn't matter the money, how expensive, et peu importe l'argent, combien c'est cher, to the garbage, à la poubelle. Because the midnight hour, parce que l'heure de minuit, must get your house without yeast, doit trouver votre maison sans levain. And that's why I'm saying, let us learn from Israel. C'est pourquoi je dis, apprenons d'Israël. We are waiting for the midnight hour. Nous attendons l'heure de minuit. He comes in the midnight hour. Il vient à l'heure de minuit. And the Lord is saying, et le Seigneur dit, if there is any blessing that you have gathered, s'il y a quelques bénédictions que vous avez rassemblées, that is yeasty, qui a de la levure, that is touched yeast, qui a touché de la levure, that is full of yeast, ça c'est plein de levure. If there is any blessing that you have possessed, s'il y a quelques bénédictions que vous possédez, that has yeast, qui a de la levure, the Lord says, le Seigneur dit, get it and throw it into the garbage. Prends-le et jette-le à la poubelle. That is not the blessing of God. Ça n'est pas la bénédiction de Dieu. The blessings of God, les bénédictions de Dieu, cannot defile you, ne peuvent pas vous souiller. And that's why when the Lord begins to talk about the garment, et c'est pourquoi quand le Seigneur commence à parler à propos du vêtement, the garment for appearing before the throne, le vêtement pour apparaître devant le trône, now he openly also defines who is the blessed church, maintenant ouvertement il définit aussi qui est l'église bénie, and he says, et il dit, blessed is he who stays awake, béni soit celui qui reste éveillé. That means when I come here, ça signifie quand je viens ici, he has sent me the message. Il m'a envoyé le message. I have seen them at the throne. Je les ai vus devant le trône. Worshipping there, worshipping. Adorant là. Ils sont en train d'adorer. And when I saw them worshipping at the throne, et quand je les ai vus adorant devant le trône, then I saw the blessed church. Alors j'ai vu l'église bénie. That means the blessings of God. Ça signifie la bénédiction de Dieu will always bring you into the kingdom of God. Va toujours vous amener dans le royaume de Dieu. That means if you are blessed, ça signifie, si vous êtes béni, if you are the blessing, si vous avez la bénédiction, that blessing must draw you closer to God. Cette bénédiction doit vous amener plus près de Dieu. I am going to crystallize for you. Je vais commencer à cristalliser pour vous. There is something you can lay your hand on, so you can understand what this garment is. You can touch it, I've touched it. La réelle quelque chose sur laquelle vous pouvez mettre vos mains. Alors, vous pouvez comprendre ce qu'est ce vêtement. Vous pouvez le toucher et dire, je l'ai touché maintenant. But he says again, based on the garment. Mais il dit encore, basé sur le vêtement, based on the garment, he says, basé sur le vêtement, il dit, he says, he who stays alert, which means, he says, on the mattress of the garment, now the church must be alert. Il dit, celui qui reste alerte, ce qui signifie, il dit, en matière de vêtement, maintenant l'église doit être alerte. And in brackets he says, awake. Et entre parenthèses, il dit, réveille-toi. But what amazed me most, mais ce qui m'étonne le plus, is downstream, down the line. Plus loin, il dit, who stays awake alert? Qui reste éveillé et alerte? And God, uses the word God. God is garment. Gardez. Il utilise le mot garder. Gardez son vêtement. Do you know what it means to guard? Est-ce que vous savez ce que ça signifie de garder? I think you don't know. Non, je pense que vous ne savez pas. Let me describe to you the meaning of guard. Laissez-moi vous décrire la signification de garder. That when you have it, c'est quand vous l'avez. You are always looking like this. Vous êtes toujours en train de regarder comme ceci. Like this, comme ça. You are guarding it. Vous le gardez. You are guarding it. Vous le gardez. That means, ça signifie, there is somebody who always wants to take it away. Il y a quelqu'un ou tous qui désirent l'enlever. When it comes to the garment for the church to enter, quand il s'agit du vêtement pour que l'église entre, the Lord now talks about something that must be guarded. Le Seigneur maintenant parle à propos de quelque chose qui doit être gardé. And I said in a short while, I will tangibilize. I'll make it tangible so you know what it is you want to guard. Et j'ai dit, dans un moment, je veux rendre tangible, je veux le rendre touchable. Alors, vous savez ce que vous avez à garder. What is it that you want to guard? He says, he now talks about guarding. Ce que vous avez à garder, il dit maintenant, il parle à propos de garder. It's guarding. Il est en train de garder. Which means there's somebody who perpetually wants to take it away. Qui signifie que quelqu'un continuellement désire le prendre. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. And then, et ensuite, in amplified, when he said blessed are those, he means happy, he uses in brackets happy. Dans la version amplifiée, quand il dit béni soit ceux, il pense heureux, utilisant entre parenthèses heureux. When it comes to the wedding garment of the church, quand il s'agit du vêtement de noces de l'église, now the Lord also defines which is a happy church. Maintenant, le Seigneur aussi définit qui est l'église heureuse. You remember when Isaiah saw the same vision the Lord showed me? Est-ce que vous vous souvenez quand Ésaïe a vu la même vision que le Seigneur m'a montrée? The vision of the rapture of the dead. La vision de l'enlèvement des morts. In Isaiah chapter 26 verse 19 to 21. Et Ésaïe chapitre 26 versets 19 à 21. And also Daniel saw the same vision, Daniel 12. Et Daniel aussi a vu la même vision, Daniel 12. Let me tell you, when the Lord sends you a messenger. Laissez-moi vous dire, quand le Seigneur vous envoie un messager, or when the Lord speaks to you, meaning send the messenger, speak to you. Ou quand le Seigneur vous parle, envoie un messager, vous parle. Everything he says, toute chose qu'il dit, must line up with the Bible. Doit être aligné à la Bible. To the extent that if they say something to you and it does not line up with the Bible. Au point où s'il dit quelque chose qui n'est pas en accord avec la Bible, then God has not spoken, ignore it. Alors Dieu n'a pas parlé, ignorez-le. When the Lord speaks, quand le Seigneur parle, you must find it in the Bible. Vous devez le trouver dans la Bible. But when the Lord is talking about the garment in Revelation 16, mais quand le Seigneur parle à propos du vêtement dans Apocalypse 16, he said blessed and then in brackets happy to be envied is he. Il dit béni et entre parenthèses sois heureux, sois envié celui qui. But when Isaiah saw the same wedding of the lamb in chapter 26. Mais quand Ésaïe a vu le même mariage de l'agneau au chapitre 26, Isaiah saw the doors. Ésaïe a vu les portes. Isaiah saw the church entering their rooms. Ésaïe a vu l'église entrer dans leur chambre. He said, "You enter your room and shut the door behind you." Il a dit, vous entrez dans vos chambres et fermez la porte derrière vous. Enter your rooms. Entrez dans vos chambres. But in John chapter 14, Jesus said, mais dans Jean chapitre 14, Jésus dit, I go to the Father's house. In my Father's house, there are many rooms. There are many rooms in there. je vais dans la maison de mon père, et dans la maison de mon père, il y a beaucoup de chambres. Il y a beaucoup de chambres là-dedans. I'm going to prepare a place for you. Je vais préparer une place pour vous. And if I go to prepare for you, I must come back and thank you that you too may be where I am. Et si je vais préparer une place pour vous, je vais revenir et vous prendre. Comme ça, vous pouvez être là où je suis. So Isaiah saw the room. Alors, Esaïe a vu les chambres. But Isaiah amuses me, makes me happy. Mais Esaïe m'a amusé. Il m'a rendu heureux. Because he says, hey, you that sleep in the dust of the earth, he says, shout for joy, because your dew is like the dew of the morning. Parce qu'il dit, hey, vous qui dormez dans la poussière de la terre, criez de joie, parce que votre rosée est comme la rosée du matin. He says, your dew is like the dew of the morning. Il dit, votre rosée est comme la rosée du matin. And he says, because of that, et il dit, à cause de cela, shout for joy. Crie de joie. So the dew of the morning, alors, la rosée du matin, you are sitting on the grass. Vous êtes assis dans l'herbe. And you are conversationing. Et vous êtes en conversation. And you are talking. Et vous parlez. And it's already 8 p.m. Et c'est déjà 8 heures le soir. And it's coming to 10 p.m. Et ça vient à 10 heures du soir. And you say, oh guys, let's get out of here, it's getting dark. Oh les gars, partons d'ici. Ça commence à être sombre. When you stand up, quand vous vous levez, you say, Allah, vous dites, oh, I am wet. Je suis mouillé. Wow, the dew has already come. Oh, la rosée est déjà venue. The dew of the morning, la rosée du matin, does not come at midnight. Ne vient pas à minuit. The dew on the grass around your home, the dew of the morning, la rosée autour de votre maison, la rosée du matin, comes around 10 p.m. vient autour de 10 heures du soir. And especially 11 p.m. now if the grass is wet. Et spécialement à 11 heures du soir, l'herbe est humide. And he says, your dew is as fresh as the dew of the morning. Et il dit, votre rosée est aussi fraîche que la rosée du matin. When you say fresh, quand vous dites fraîche, I want to imagine the leaves of Sukumawiki. Je veux que vous imaginiez les feuilles de chou. You know when Sukumawiki is fresh in the garden. Vous savez comment les feuilles de chou sont fraîches dans le jardin. And there's dew on it. Et il y a de la rosée dessus. And when you look at the dew in the morning, it is fresh, it is cold, it is clear, you can see through, it's clean and clear, it's nice. Et quand vous regardez à la rosée du matin, elle est fraîche, elle est froide, elle est claire. Vous pouvez voir à travers. Elle est propre et claire. Elle est agréable. And so he says, et alors il dit, your dew is as fresh as the dew of the morning. Votre rosée est aussi fraîche que la rosée du matin. So shout for joy. Alors, crie de joie. But we know that if you go to harvest Sukumawiki at 10 at 11 in the day. Mais nous savons que si vous allez récolter les choux vers 10 à 11 heures du matin, what will you find? Qu'est-ce que vous allez trouver? The dew has evaporated. The little dew left has some kind of soil. La rosée évaporée et le peu de rosée qui reste a un peu de terre. So it's not fresh. Alors elle n'est pas fraîche. Listen, precious people. Écoutez, précieux peuple. The Lord was speaking to this church also. Le Seigneur était en train de parler à cette église aussi. And he was saying, et il disait, that when the moment comes when the church must now prepare to appear before the Lord's throne. Quand le moment est arrivé où l'église doit apparaître devant le trône du Seigneur, now the Lord sends the latter anointing of the Holy Spirit. Maintenant, le Seigneur envoie la dernière onction du Saint-Esprit. And that is the morning dew. Et ça, c'est la rosée du matin. Starting at 10 p.m., 11 p.m. Ou qui vient à 10 heures du soir, 11 heures du soir. And he says that that revival, et il dit que ce réveil, that reviving dew, cette rosée qui réveille, the crop was too dry. La récolte est trop sèche. And when the dew comes now there's some freshness. Et quand la rosée arrive, maintenant, il y a un peu de fraîcheur. And he says, et il dit, that dew brings joy unspeakable to the church. Cette rosée apporte une joie indicible à l'église. It brings happiness you cannot explain. Elle apporte un bonheur que vous ne pouvez pas expliquer. For me, at times, I'm so happy, I don't understand why. Pour moi, parfois je suis si heureux que je ne peux pas comprendre pourquoi. The Lord says, le Seigneur dit that when it comes the matter of preparedness of the church, quand il s'agit de la question de savoir comment l'Église est préparée, the issues of the garment, l'issue du vêtement, then you can split the church into two. Alors vous pouvez partager l'Église en deux parts. A happy church, une Église heureuse and a sad church, et une Église triste. And let me tell you, et laissez-moi vous dire, let me tell you one thing. Laissez-moi vous dire une chose. At times when you look at the church, parfois, quand vous regardez à l'Église, and you see, hey, I am happy. You know, I am happy. I'm very happy. I'm just happy. I am happy. Be careful, that church may not be happy. Parfois, quand vous regardez à l'Église, elle dit, hey, je suis heureuse. Vous savez, je suis heureuse. Je suis vraiment heureuse. Je suis... Vous savez, attention, cette Église peut ne pas être heureuse. Ça ne peut pas être défini dans la dimension du domaine physique. Il dit that you may look at that church today, que vous pouvez regarder à cette Église aujourd'hui and she may be walking very meek, et elle peut être en train de marcher très faiblement. She lives her life like a stranger on the earth. Elle vit sa vie comme un étranger sur la terre. But that is the happy church. Mais ça, c'est l'Église heureuse. That is the church with joy. Ça, c'est l'Église avec joie. Because parce que she will never, ever see eternal hell. Elle ne verra jamais, jamais l'enfer éternel. She will only see eternity of worship and peace with God. Elle va seulement voir l'éternité de l'adoration et de la paix avec Dieu. So the Lord is helping me today to help you define the meaning of joy, unspeakable happiness in the church. Alors le Seigneur m'aide aujourd'hui à vous aider à découvrir la réelle signification de la joie, du bonheur dans l'Église. And he's saying that the happy church, et il dit que l'Église heureuse is the church that has been reconciled with God. Est l'Église qui a été réconciliée avec Dieu. Now she can have joy unspeakable. Maintenant, elle peut avoir une joie indicible. Because now nothing can come up against her. Parce que maintenant, rien ne peut venir contre elle. And I'm going to open to you the real physical thing that makes the gown now. Et je vais m'en vais ouvrir pour vous la réelle chose physique qui fait la robe maintenant. And you'll hear the Lord in scriptures talking about it. Et vous allez entendre le Seigneur dans l'Écriture parlant à propos de ceci. Saying, hey, it is more profitable than all gold on the earth. Disant, hey, c'est plus profitable que beaucoup d'or de la terre. It is more precious than diamond, he says. C'est plus précieux que les diamants, dit-il. Than all silver of the earth. Que tout l'argent de la terre. Which means if you put all the gold and diamond and silver of the earth. Ce qui signifie que si vous mettez tout l'or, les diamants et l'argent de la terre on one side of the scale, sur un côté de la balance, and then you put that thing I'm going to talk about, you put it on this side of the scale, et ensuite vous mettez cette chose dont je suis en train de parler sur l'autre côté de la balance, it will throw your wealth of the earth up there. Ça va faire monter vos richesses très haut là. It is heavier than that. C'est encore plus lourd que cela. But you begin to see the church that the Lord says is enviable, is envied. Que vous puissiez commencer à voir que l'Église dont le Seigneur parle est enviable. And he says that is the church that stays awake and is alert and guards the garment. Our glory. Ça c'est l'Église qui reste éveillée et qui est alerte et qui garde le vêtement. And when the Lord is talking about the garment for entry into the kingdom of God. Et quand le Seigneur parle à propos du vêtement pour entrer dans le royaume de Dieu, then he also defines shame. Shame. Ensuite, il définit aussi la honte. La honte. He's saying, il dit that there are some people who will be humiliated. Qu'il y a quelques personnes qui vont être humiliées. And some people will be honored, will be happy, will be envied, will not be humiliated. Et quelques personnes vont être honorées, vont être enviées, vont être heureuses, ne seront pas humiliées. Just based on this garment for appearing. Juste basé sur ce vêtement pour apparaître. Then he says, quand il dit that if you will be totally gagged, totally adorned, totally clothed and dressed in the garment of the Lord. Et si vous voulez être totalement vêtu, totalement orné, totalement couvert et habillé du vêtement du Seigneur, and another church is not dressed. Et une autre église n'est pas vêtue, and then he says, et ensuite il dit that the church that is dressed in this garment, que l'église qui est vêtue de ce vêtement is enviable. Est enviable. Is happy, est heureuse, honored, est ornée, blessed, bénie. She says she is the one who is alert. Il dit, c'est celle qui est alerte. She is the one who is awake. C'est celle qui est... You know the meaning of alert? Vous savez la signification de alerte? Let me tell you what it is. Laissez-moi vous dire ce que c'est. I am doing something here. Je suis en train de faire quelque chose ici. Then I hear, bam, on this side. Voilà, quelque chose, un bruit de ce côté. And then I'm like, et je réagis vivement. I am alert. Je suis alerte. Which means that church was alert. Ce qui signifie que cette église était alerte. And when the trumpet sounded, et quand la trompette a sonné, the voice of the archangel, la voix de l'archange, she was alert, elle était, elle a dit, ha! Oh, je viens. So he defines alertness. Alors, il définit la vigilance. And he underscores the need to guard the garment. Et il met de l'importance au besoin de garder le vêtement. Can we move to the next level? Alors, nous allons au niveau suivant. That you may now understand the tangibility, the tangible issue here. Pour que vous puissiez maintenant comprendre la tangibilité, l'issue touchable ici. Revelation. Apocalypse. Chapter 19. Chapitre 19. What is this garment that the Lord is talking about? Quel est ce vêtement dont le Seigneur est en train de parler? In the time of Aaron. Du temps de Aaron. We know what Moses described. Nous savons ce que Moïse a décrit. But in the church today. Mais dans l'église aujourd'hui. What is the Lord describing? Qu'est-ce que le Seigneur est en train de décrire? Let me read it. Laissez-moi le lire. Revelation 19. Apocalypse 19. Verse 7 and 8. Les versets 7 et 8. Just short, but I will explain everything later. Juste courtement, et je vais expliquer plus tard. I am reading amplified purposefully. Lis dans la version amplifiée intentionnellement. Because I want you to make notes, to write certain key points. Parce que je désire que vous preniez des notes, que vous notiez des points clés. When the church is alert. Quand l'église est alerte, he says she is dressed in the full garment. Il dit, elle est habillée dans le vêtement complet. Listen to this. Écoutez ceci. I like when the Lord said the tunic has to be long, even long. J'aime quand le Seigneur a dit la tunique doit être longue, même longue. So you may not be found naked. Alors, vous ne serez pas trouvé nu. But if you look at the church today, mais quand vous regardez à l'église aujourd'hui, she is largely naked. Elle est largement nue. In the physical sense, dans le sens physique and spiritual sense, et dans le sens spirituel, she is largely naked. Elle est largement nue. I wanted to make that point. J'aimerais appuyer sur ce point. So what is this wedding garment? Mais qu'est-ce que c'est ce vêtement de noces? Revelation chapter 19. Apocalypse chapitre 19. I'm reading verses 7 and 8. Je lis les versets 7 et 9. He says, let us rejoice and shout for joy. Il dit, réjouissons-nous et crions de joie. Exulting and triumphant. Exaltons-nous et triomphons. Let us celebrate and ascribe to him glory. Célébrons et attribuons-lui la gloire and honor et l'honneur. For the marriage of the lamb at last has come. Parce que les noces de l'agneau finalement sont arrivées. And his bride has prepared herself. Et son épouse s'est préparée elle-même. And he says, he gives the reference here, the book of Psalm 118, verse 24. Et il dit, il donne la référence ici, le psaume 118,